Quand on dit on vient loin, c'est ta rue juste au coin. Dans ton haut, dans ton coin. On parle de ta rue, mais de ce que chacun a vécu. On parle de notre vie et de ce que chacun nous a vu. Diplomate du Mike, trou est né pour mourir tête. Ferme ton bec, bouge ta tête, roule un buzz, roule un set. Passe spécialement fête pour marcher dans ce concept. Faut que tu l'acceptes, faut que tu restes toi. Si tu veux te faire mettre. Laisse ma trace dans l'horizon. Entre deux temps qui se massacrent en collision. Je vis depuis des lunes, mon visage pâle face à l'asphalte, s'en éloigne dans l'écume. Témoin muet plus souvent que tu l'as de ces carcasses. Même si je passais à la barre, je paraîtrais trop vulgaire. Demande à Aro et Choquette de rap une race à part. Comme eux, je fais avec. Aussitôt que la bouche s'ouvre, ça souhaite nous gifler jusqu'à avoir la joue rouge. Nous croyons à bourreau ou sous pour des messages barbares. J'ai cette musique pour souffle, voyageur. Entre les notes et les syllabes, celui réel transpire sa force terminale. Éterniser des merdes à merveille les rendront jamais plus excusables qu'explicables. Dans ce monde, y'a que les cercles vicieux qui sont pyramidales. Je préfère repartir d'où je viens, loin de ces milieux sans soutien, remplis de gens pendus par les amygdales. Ainsi se reflète les censures s'ayant rendus dans le regard d'un marginal. Haro, Choquette, Cachemire, une parcelle de l'espoir nocturne pour toi qui revient. Qu'est-ce qu'il laisse pour nocturne? Shit qui fait que ta tête tourne. Viens de loin, c'est notre tour. On rappe dessus, c'est notre tourne. Tout ce qu'on touche devient de l'or. Tout ce qu'on touche, tu deviens de l'or. Tout comme le faisait Mozart. J'pars des versements lyriques à l'important. MC's aux skills bien portants. Puis que j'suis sur le rap impotent. Qu'on se batte, ça t'importe, hein? Dans le rap, t'es pas la poc, t'es le bat. Skills, moi j'ai fuck, ça fout le gant. Avec mon flow totalement violent. Détente sur les violons. On rappe les violets. Les MC's qui rappe en violet. Via les speaker box voilés. Mon rap détente de Péri à Pio, de Venise à Rio, puis à New York dans le ghetto. Moi les adeptes, j'ai visé ghetto. À mon main tarot de NOK, je passe le flambeau. Je viens de loin, peut-être de là-haut, de l'au-delà, ou du moins d'où on vit dans tes rêves. Dès les jours si doux, du mois doux au jour de l'an. Et le lendemain, ben si plus te prends cette vidange des mains. Je m'arrache de cette vie déchue, je m'échoue, mais me tiens loin des échauffourées. Je ne vis pas des profits des shows. Je ne tiens pas à voir ma gueule apparaître sur un vidéo. Donc apparemment, comme je disais, je ne suis pas le marquis de Samarcande, mais je dis sec. Je ne suis pas Samara la marrante. Je ne sortirai pas de mon puits en souterrain afin de tenter de te glisser une longue lame sous les reins. Donc c'est pas en Samarant que tu me convaincras que ton son hilarant n'est pas qu'apparent, pas en acapella, mais c'est tout de même un rôle accaparant. C'est ta rue juste au coin, dans ton haut, dans ton coin. On parle de ta rue, mais de ce que chacun a vécu. On parle de notre vie, de ce que chacun nous a vu. Diplomate du Mike, trou est né pour mourir tête. Ferme ton bec, bouge ta tête, roule un buzz, roule un set. Ça peut être tellement fait pour marcher dans ce concept. Faut que tu l'acceptes, faut que tu restes toi. Si tu veux te faire mettre. Laisse ma trace dans l'horizon. Entre deux temps qui se massacrent en collision. Je vis depuis des lunes, mon visage pâle face à l'asphalte, s'en éloigne dans l'écume. Témoin muet plus souvent que le culeur de ces carcasses. Même si je passais à la barre, je paraîtrais trop vulgaire. Demande à Aro et Choquette de rap une race à part. Comme eux, je fais avec. Aussitôt que la bouche s'ouvre, ça souhaite nous gifler jusqu'à avoir la joue rouge. Nous croyons à bourreau ou sous pour des messages barbares. J'ai cette musique pour souffle, voyageur entre les notes et les syllabes. Celui réel transpire sa force terminale. Éterniser des merdes à merveille les rendront jamais plus excusables.